23-31. Dialogue entre Robert et le voisin des Courtois. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et le voisin des Courtois. Écoutez bien, vous allez apprendre les répliques du voisin. Pardon, monsieur, madame Courtois, c'est bien ici? Ah non, monsieur, non. Vous vous êtes trompé de porte. C'est à côté. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Maintenant, répétez. Pardon, monsieur, madame Courtois, c'est bien ici? Ah non, monsieur, non. Vous vous êtes trompé de porte. C'est à côté. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Et maintenant, répondez. Pardon, monsieur, madame Courtois, c'est bien ici? Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi.